Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous qui nous écoutez de l'autre côté du poste ou devant moi dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts à Lille à l'occasion du festival Cité Philo qui nous accueille comme chaque année pour y enregistrer 4 épisodes des Chemins de la philosophie en public avec les meilleurs pour parler cette saison du féminin. Alors après le portrait de la philosophe et militante Nancy Fraser, c'était lundi dernier, la question de l'invisibilisation des femmes dans l'université mardi, la féminisation de la langue, c'était hier, mercredi. Aujourd'hui, jeudi, je vous propose un portrait, celui d'un philosophe féministe du XVIIe siècle. À ceux qui pensent qu'il est suspect qu'un homme prenne la défense des femmes, eh bien, monsieur François Poulain de la Barre répond qu'ils ont raison. On considérait autrefois les femmes comme l'on fait aujourd'hui, et avec aussi peu de raison. Ainsi, tout ce qu'en ont dit les hommes doit être suspect, parce qu'ils sont juges et partis. Et lorsque quelqu'un rapporte contre elles le sentiment de 1000 auteurs, cette histoire ne doit être considérée que comme une tradition de préjugés et d'erreurs. Il y a aussi peu de fidélité et d'exactitude dans les histoires anciennes que dans les récits familiers, où l'on reconnaît assez qu'il n'y en a presque point. Ceux qui les ont écrites y ont mêlé leur passion et leur intérêt. Et la plupart n'ayant eu que des idées fort confuses du vice et de la vertu, ont souvent pris l'un pour l'autre, et ceux qui les lisent avec la préoccupation ordinaire ne manquent pas de tomber dans le même défaut. Et dans le préjugé où ils étaient, ils ont eu soin d'exagérer les vertus et les avantages de leur sexe, et de rabaisser et d'affaiblir le mérite des femmes par un intérêt contraire. Cela est si facile à reconnaître qu'il ne faut point apporter d'exemple. Bonjour Marie-Frédérique Pellegrin. Bonjour. Bienvenue dans la cour du roi, hein, c'est ce que la musique laisse penser. Nous voici installés en contexte. Et bienvenue sur les chemins de la philosophie et bienvenue à Lille, puisque c'est aujourd'hui où nous nous trouvons. Bienvenue au public, venu nombreux, écoutez parler de François Poulain de la Barre aujourd'hui. Ils sont bien là. Marie-Frédérique Pellegrin, vous êtes maîtresse de conférence à la faculté de philosophie de l'Université de Lyon. J'ai bien dit maîtresse, comme nous parlons du féminin cette semaine, on a beaucoup parlé au cours de chaque émission. Aujourd'hui, revenons-y quand même pour vous. Donc maîtresse, c'est important, vous féminisez votre statut. Oui, ça me paraît normal. Le mot maîtresse existe depuis bien longtemps, en différents sens. Et je vois pas pourquoi l'utiliserais ce mot au masculin. La notion même de féminin est importante pour le philosophe dont on parle aujourd'hui, Poulain de la Barre. Extrêmement de la femme, ouais. Extrêmement importante, parce que d'abord le féminin, c'est très difficile à déterminer. On va le voir ensemble. Hein. Il y a très très peu de différence entre les hommes et les femmes pour Poulain de la Barre. C'est vraiment une vision égalitariste du féminisme. Hein. Il y a plusieurs possibilités en matière de théorisation féministe. Lui, c'est vraiment un égalitariste, c'est pas un différentialiste. Hein. Il y a très très peu de différence entre les hommes et les femmes. C'est une part importante de sa démonstration. Cependant, il en existe, elles sont acquises, elles sont coutumières et elles sont à l'avantage des femmes. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a une matrice conceptuelle chez Poulain qui est l'égalité entre les sexes, comme l'indique le titre de son ouvrage le plus célèbre, entre guillemets, même s'il est peu connu, de l'égalité des deux sexes. Mais il y a tout de même des différences qui sont le fruit d'une culture inégalitaire. Alors on pourrait se dire elles sont à l'avantage des hommes puisque ils ont le devant dans la société. En fait, elles sont à l'avantage des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, c'est comme toutes les sortes d'opprimés. C'est-à-dire, ce sont des gens plus intelligents parce qu'on leur refuse l'intelligence. Donc la moindre miette de savoir, le moindre petit bouquin qui traîne sur le chevet du père ou de la mère, la jeune fille va s'en saisir et essayer d'en faire le plus possible avec ce qu'elle a sous les yeux. Donc elles ont développé des qualités intellectuelles, des qualités de finesse pour comprendre un monde dont on leur cache la plupart des explications réelles, qui font qu'elles ont développé plus d'intelligence que leurs petits camarades masculins. Donc, elles ont des qualités féminines qui ne sont pas naturelles mais acquises et qui tiennent à cette culture des opprimés. Et Poulain de la Barre explique que les hommes devraient aller à l'école des dames, dit-il, et devraient se féminiser. Hein. L'un des plus beaux passages pour moi chez Poulain, c'est le passage où il explique, ça fait sens par rapport aux précédents entretiens que vous avez eus sur la féminisation des noms hier, il dit que l'adjectif efféminé, c'est le plus bel adjectif qui existe. C'est un adjectif qui devrait être amélioratif et tous les hommes devraient être fiers qu'on leur dise qu'ils sont efféminés. Et il a tout un travail sur cet adjectif efféminé. Efféminé, ça veut dire tendre vers le féminin. Encore une fois, c'est pas tendre vers une nature féminine. C'est pour ça que les hommes peuvent tout à fait le faire en restant des hommes. Mais c'est tendre vers plus de finesse, plus d'intelligence, plus de politesse, tout un tas de qualités féminines acquises. Comment est-ce qu'il définit le féminin ? Vous dites l'intelligence ? Donc c'est pas la douceur, la délicatesse, c'est l'intelligence aussi ? Alors c'est avant tout l'intelligence. C'est avant tout l'intelligence. On est en philosophie et ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment raisonnent les femmes. Hein. Il dit qu'il en a beaucoup observé, des riches, des pauvres, et quand elles ne sont pas totalement abruties par le travail... Ça, c'était quand même des considérations sociales intéressantes à cette époque, parce que parfois on est abruti par le travail, on n'a pas le temps de penser. Eh bien, elles ont, c'est un cartésien, Poulain, elles ont un bon sens naturel. Et alors là, il prend des exemples de sujets philosophiques types depuis le Moyen Âge. Si vous demandez à une femme qu'est-ce que c'est que Dieu, ben elle va pas vous dire c'est un vénérable vieillard. Non, elle va dire j'en sais rien, ça me dépasse. Donc elle a compris ce que c'est qu'un Dieu. Et il donne, si on lui demande qu'est-ce que c'est que l'âme, elle va pas dire c'est un vent subtil, parce qu'il est évidemment, étant cartésien, très aristotélicien, il va pas dire c'est un vent subtil qui anime. Non, elle va dire je sens que c'est pas la même chose que le corps. C'est du dualisme cartésien. Vous voyez, le bon sens nous rend spontanément cartésien, évidemment, pour Poulain. Donc, les qualités féminines, le féminin, c'est d'abord une forme d'intelligence qui est native en tout le monde, hein, quel que soit le sexe, mais qui est beaucoup plus développée chez les femmes grâce, et je dis bien grâce, à leur ignorance. C'est-à-dire que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont été corrompus par l'éducation. Donc, ils sont moins intelligents que les femmes, parce qu'ils ont été trop à l'école. Et oui, parce que l'école, à l'époque, c'est Aristote. Donc, quand vous êtes cartésien, plus vous allez à l'école, plus vous êtes engoncé dans de la fausse science et de fausses connaissances. Il va falloir extirper tout ça dans ce que nous invite à faire Descartes dans les méditations métaphysiques. Il faut faire une table rase, parce que on a déjà appris beaucoup de choses avant d'être adulte et autonome. Les filles, on les éduque pas, et donc... elles ont gardé beaucoup plus ce bon sens naturel. Donc, c'est ça leur supériorité, c'est de ne pas avoir été éduquées. Alors, et c'est ça qui les rend intelligentes. On va revenir sur la distinction entre cartésianisme et aristotélisme, parce qu'en effet, ce sont deux visions très différentes de la philosophie, et que Poulain de la Barre se présente comme un philosophe cartésien. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. D'abord, sur le texte qui a ouvert cette émission, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Poulain de la Barre, mais qui ont lu le deuxième sexe, alors en fait, ils ont déjà lu au moins une phrase de Poulain de la Barre, puisqu'on trouve en exergue du deuxième sexe la phrase qu'on a entendue dans le texte, ainsi que tout ce qu'on en dit les hommes doit être suspect, donc sur les femmes, parce qu'ils sont juges et partis. En fait, lui-même s'adresse l'objection courante qui est de dire « Mais qu'avez-vous à dire sur les femmes, puisque vous êtes un homme ?» Et ça, Simone de Beauvoir s'en est servie pour bien montrer qu'il n'y avait pas une position plus privilégiée qu'une autre pour parler des femmes. Absolument. Alors cette phrase, elle est magnifique, et effectivement, le fait que Simone de Beauvoir la reprenne est significatif d'une volonté méthodologique nouvelle. La tradition philogyne, la tradition de défense des femmes, c'est un genre littéraire, rhétorique, très foisonnant depuis le Moyen-Âge. Poulain ne veut pas s'inscrire dans ce genre. Il en est un héritier, évidemment. Il connaît tous les arguments en faveur des femmes que développe cette littérature depuis Christine de Pizan. Mais il ne veut pas faire ça. Justement parce que c'est trop topique, parce que c'est trop rhétorique. Et surtout, parce que j'ai donné l'exemple de Christine de Pizan, mais c'est plutôt une exception qu'une généralité. Cette littérature est largement écrite par des hommes dont les intentions ne sont pas claires. Est-ce que vraiment on veut défendre les femmes? Est-ce qu'on veut plaire aux femmes? Est-ce que c'est de la galanterie? Est-ce qu'on cherche des protectrices? Ou est-ce qu'on veut être lu? Donc, Quand il dit « les hommes sont jugés partis », ça veut dire « il faut changer de méthode ». Il faut essayer de trouver un regard neutre, un regard sur les femmes qui ne soit pas masculin. Et ça, c'est très difficile. Et l'ensemble de ces trois traités philosophiques sur les femmes sont des tentatives de décentrer ce regard masculin de multiples manières pour justement éviter d'être jugés partis. Alors, Poulain, il pense quelque chose qui est en train de monter en ce moment. Vous l'avez sans doute constaté, vous, avec vos différents invités aussi. C'est la notion de matrimoine. C'est-à-dire l'idée que, au fond, il y a toujours eu des femmes savantes, il y a toujours eu des productions féminines dans les arts, dans la littérature, dans la science, etc. Mais, en fait, comme ce sont les hommes qui écrivent l'histoire, eh bien, ils écrivent l'histoire des hommes. Et donc, il faut redécouvrir un matrimoine qui existe, en fait. Il n'emploie pas le mot. Il n'emploie pas le mot. Rassurez-moi, parce que là, il serait vraiment très avant-gardiste. Il n'emploie pas le mot, mais il a l'idée. Oui. Il a l'idée. Il faut relire toute l'histoire des idées, des arts, des productions intellectuelles humaines et y réinsérer les femmes, jusque dans la Bible. Oui, voilà, parce que dans le texte qu'on a entendu encore une fois, donc qui vient de l'égalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. C'est le sous-titre et c'est là-dessus que je voulais rebondir justement parce qu'il dit bien que l'histoire, cette histoire, celle des femmes, ne doit être considérée que comme une tradition, enfin celle dans laquelle on inscrit la réflexion sur les femmes, comme une tradition de préjugés et d'erreurs. Et en fait, il va jusqu'à dire que ce patriarcat, en fait, remonte jusqu'au premier texte, dont la Bible, et il montre bien que, ben, ne serait-ce que Adam ne considère pas Ève comme étant son égale, en tout cas les lectures qui en sont faites, et même Dieu, puisque vous en parliez, est souvent présenté comme un personnage masculin. Or, il n'en est rien, c'est un préjugé, dit-il. Et là, il faut entendre non seulement une critique de la société dans laquelle il vit, mais une position philosophique. Il faut se défaire des préjugés pour bien penser. Absolument. Alors, ça, on connaît tous l'importance chez Descartes de se défaire de tous ces préjugés. Là, l'apport de Poulain, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, en fait, dans l'analyse de Poulain, on est tous pétris de tout un tas de préjugés, il y a différentes strates, il y a des strates liées à l'enfance, à l'éducation, etc., etc. Et du coup, Poulain dit, il faut qu'on fasse une généalogie des préjugés. Quels sont-ils exactement? D'où viennent-ils exactement? Et il nous propose une généalogie de l'humanité qui, comme ça se fait toujours à l'époque, évidemment, si vous faites une généalogie de l'humanité au XVIIe siècle, à un moment, vous arrivez à Adam et Ève. Et donc, que dit-il? Il dit, en fait, la première marque du péché d'Adam, c'est qu'il veut soumettre Ève. En d'autres termes, le premier préjugé, à l'origine de tous les autres préjugés, c'est le préjugé misogyne. C'est quand même assez curieux de dire ça. Pourquoi est-ce que Adam, plus qu'Ève, suite à la faute originelle, prendrait le pouvoir et voudrait dominer l'autre? Ça, il ne l'explique pas. C'est le point un petit peu aveugle de son système. Ce qu'il constate, c'est que, dès après le péché, Adam décide, Adam juge, Adam domine sa femme. Et c'est le premier type de domination. À l'époque, il n'y a que deux êtres humains. Donc, la domination, elle se fait entre ces deux-là. Et ensuite, elle se perpétue et elle va prendre des formes extrêmement différentes. Chez Poulain de la Barre, il y a trois types de préjugés principaux. Donc, le préjugé originel, c'est le préjugé misogyne. Un préjugé, c'est vouloir dominer quelqu'un d'autre sans raison. C'est ça, un préjugé. C'est penser que c'est une affaire de domination. Voilà. Deuxième préjugé, c'est le préjugé des savants à l'égard des ignorants. Et troisième préjugé, c'est le préjugé des nobles à l'égard du peuple. Ces trois préjugés, en fait, sont des formes, vous voyez, effectivement, de domination et viennent de la faute adamique. Et donc, cette généalogie du préjugé, elle nous permet, vous voyez, une philosophie critique de très, très grande ampleur, parce que vous avez à la fois la question féminine et féministe qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous avez la question sociale, politique, et puis la question du savoir, parce que le savoir, c'est quand même un pouvoir très, très fort. Connaître, c'est vraiment une des meilleures manières de dominer les autres, évidemment. Et encore une fois, on retrouve le côté cartésien de Poulain ici, c'est-à-dire une très grande défiance à l'égard de la classe savante. Les savants, c'est des gens qui veulent pas partager leur savoir, qui entretiennent un jargon pour qu'on ne les comprenne pas et qu'on soit impressionné. Donc c'est une forme de domination. Or, le savoir, normalement, c'est quelque chose qui est libre d'accès, dit Poulain de la Barre. C'est un trésor commun dans lequel tout le monde doit pouvoir piocher. Mais c'est une entreprise incroyable qu'il conduit parce qu'il montre le biais dans lequel se trouve la pensée. Dès lors que cette pensée est incarnée dans un corps masculin, il est juge et partie. En même temps, lui-même est un savant. Or, il dit, pour penser la femme, il faut finalement être ni un homme ni un savant. Il est les deux. Oui, c'est pour cela qu'il se voit comme un relais. Le but, c'est que les femmes s'éduquent entre elles et n'aient plus besoin des hommes. Alors ça aussi, c'est un aspect qui m'a toujours un peu troublée et intéressée chez Poulain de la Barre. C'est que, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il a tout un programme d'éducation, hein, puisque son deuxième traité s'intitule de l'éducation des dames. Et ce programme, figurez-vous, il est non mixte. C'est-à-dire que Poulain dit, on ne pourra jamais faire une école mixte. Les hommes n'accepteront pas que sur les bancs à côté d'eux, il y ait des femmes. Pour tout un tas de raisons, à la fois de galanterie et puis de volonté de conserver leur supériorité. Donc, dit-il, il faut que les femmes s'éduquent entre elles. Donc, la meilleure chose à faire, c'est que quelques femmes intelligentes et disposant de moyens et de loisirs le lisent. Donc, qu'elles comprennent l'intérêt de la philosophie cartésienne pour l'autonomie intellectuelle, politique et sociale. Et à partir de là, ces quelques femmes vont former d'autres femmes qui vont être des professeurs dans des collèges de filles. Donc c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui défend l'égalité penser concrètement un système scolaire non mixte. Ah oui, et aujourd'hui il déchaînerait beaucoup de polémiques d'ailleurs. Absolument. Et là c'est vraiment au vu de sa société. Pour lui, si vous voulez, les résistances de la classe savante à l'égard de la diffusion du savoir et leur mépris pour les femmes est tel que ça lui paraît impossible qu'ils acceptent un jour des écoles mixtes. Donc il faut, là encore, on retrouve les réflexes des opprimés. Il faut que les femmes s'organisent entre elles et qu'elles trouvent un moyen de s'éduquer. Mais comment, lui, justifie-t-il sa position? Vous avez dit un relais, très bien, mais alors est-ce que c'est-à-dire, en fait, on a l'impression, quand on vous écoute, qu'il est presque contre les hommes et contre le masculin? Oui, oui. Pas juste pour l'égalité, mais contre lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, encore une fois, c'est parce qu'il est cartésien. Sa critique à l'égard des hommes, c'est essentiellement une critique de cartésien. C'est-à-dire, c'est une critique contre les savants. Et du coup, quand on est doué de bon sens, on n'a plus de sexe. Hein, on raisonne, l'esprit n'a point de sexe, c'est la citation la plus célèbre de Poulain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand il est question de raisonner, quand c'est la raison qui travaille, elle ne travaille pas d'une manière masculine ou féminine. D'accord? Donc chaque fois qu'on pense comme un homme ou comme une femme, il y a une part d'affect, il y a une part de passion, il y a la coutume, il y a tout un tas d'autres choses que la raison. Hein? Il ne faut plus tant s'étonner de voir des hommes et des femmes sans études s'entretenir des choses qui regardent les sciences, puisque la méthode de les apprendre ne sert qu'à rectifier le bon sens qui s'est confondu par la précipitation, par la coutume et par l'usage. L'idée qu'on vient de donner de la science en général pourrait suffire pour persuader les personnes dépréoccupées que les hommes et les femmes en sont également capables. Mais parce que l'opinion contraire est des plus enracinées, il faut pour l'arracher entièrement la combattre par principe, afin que, joignant les apparences favorables au beau sexe, qu'on a présenté dans la première partie de ce texte, avec les raisons physiques qu'on va apporter, l'on puisse absolument être convaincu en sa faveur. Il est aisé de remarquer que la différence des sexes ne regarde que le corps, n'y ayant proprement que cette partie qui serve à la production des hommes, et l'esprit ne faisant qu'y prêter son consentement. Et le faisant tous de la même manière, on peut conclure qu'il n'a point de sexe. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et François Poulain de la Barre qui est à l'honneur aujourd'hui à Lille dans le festival Cité Philo qui propose cette année une série de réflexions autour du féminin. Nous aussi cette semaine avec aujourd'hui cette émission en compagnie de Marie-Frédérique Pellegrin qui l'en doit un ouvrage sur Poulain de la Barre qui a aussi présenté les textes de Poulain de la Barre qui sont disponibles aux éditions Vrin. Et le texte que je viens de lire, alors reprenez la formule que vous avez citée Marie-Frédérique Pellegrin sur l'esprit qui n'a point de sexe, mais c'est un texte vraiment incroyable et je vous propose qu'on s'y arrête un petit peu. Déjà, on y entend, peut-être l'avez-vous entendu, la notion de consentement, ce que je trouve dingue, quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est beaucoup réinvestie. Et là, nous sommes quand même en 1673. On verra s'il donne le même sens ou pas. Et surtout, je crois que le texte nous donne les clés de son cartésianisme. Vous vous présentez comme un philosophe cartésien. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle était sa relation avec Descartes à l'époque ? C'est vrai qu'on peut dire un mot de l'auteur lui-même, même si nous n'avons pas beaucoup de détails biographiques le concernant. On sait qu'il a été un très brillant étudiant à la Sorbonne, et donc quand vous êtes très brillant étudiant à la Sorbonne à cette époque, vous êtes tout naturellement destiné à monter en grade, comme il dit, jusqu'à la sacrée faculté de théologie. Et brusquement, il va interrompre ses études à la Sorbonne, au grand dam de ses protecteurs et parents, parce que certainement, il le dit dans son texte, hein, il y a quelques éléments biographiques dans son texte, donc si on considère qu'il est sincère dans ce qu'il dit, on peut pas le vérifier historiquement. Il a écouté des conférences cartésiennes, car comme vous le savez à l'époque, donc Descartes n'est pas du tout enseigné à l'université, il est même interdit. Et du coup, les lieux cartésiens sont des lieux extra-universitaires et extra-scolaires. Alors ça va de la conférence publique, hein, tout simplement, on loue une salle comme aujourd'hui et on se réunit et entre qui veut et qui est intéressé par le thème exposé sur l'affiche. Ou chez des gens, donc c'est dans des lieux un peu excentrés qu'il faut chercher, qu'il faut trouver. Et alors pour lui, c'est de l'ordre de la révélation. Hein, visiblement, oui, ces conférences, alors on ne sait pas qui, sans doute trop haut, mais on ne sait pas quel cartésien il allait écouter, hein, on est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais ça lui fait interrompre ses études à l'université, et donc ça le fait sortir de la sphère scolastique. À partir de là, effectivement, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est l'utilisation du cartésianisme dans un but féministe. C'est quand même assez incroyable. Hein, il va écrire trois traités qui sont des traités vraiment philosophiques très denses. Hein, c'est pas de la littérature philogine légère pour expliquer que les femmes sont belles et charmantes, pas du tout. C'est vraiment de la philo avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un aspect physique, un aspect moral. Comment on démontre, est-ce qu'elles en sont capables, quel métier elles peuvent exercer. Enfin, c'est vraiment pas à pas tout ce que peuvent faire les femmes. Et donc, voilà. Un cartésianisme féministe. Moi, j'ai trouvé ça, quand j'ai rencontré Poulain par hasard, je me suis dit, je m'attendais pas à cette, parce que vous travaillez sur Descartes, vous, quand vous avez rencontré Poulain, comme exactement. Vous dites. Exactement. Et trouver une postérité de ce type-là à Descartes, c'était extraordinaire. Moi, je sortais de Malebranche, c'était quand même autre chose comme angle d'attaque, et notamment sur les femmes, d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de cartésien dans cette démarche ? Qu'est-ce que ça veut dire, cartésien, là ? Oui. D'abord, c'est un cartésianisme light. Il faut une méthode, il faut se débarrasser des préjugés. Alors tout ça, on peut se dire, bon, c'est un petit peu la vulgate cartésienne du discours de la méthode. Mais en fait, c'est beaucoup plus précis que cela. Ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressée, parce que Poulain va trouver chez Descartes, notamment, tout le Descartes physiologiste, psychologue, médecin. Donc, il va s'intéresser au corps féminin, au corps masculin, à leur capacité réciproque, à la raison, peut-elle raisonner sans le sexe ? Et donc tout cela, ça vient d'un Descartes qui n'est pas le Descartes du discours de la méthode, qui n'est pas non plus le Descartes des méditations métaphysiques, mais qui est le Descartes des écrits psychophysiologiques, du traité des passions de l'âme, énormément, et de la correspondance avec Élisabeth de Bohême. Dans le deuxième traité qu'il consacre à l'éducation des dames, à la fin, Poulain indique une liste de livres à lire, une liste indicative de livres. Il y en a très très peu déjà, donc ça c'est rien que ça c'est nouveau et cartésien, c'est-à-dire que la culture c'est pas d'abord livresque, hein. Il y a très très peu de livres qui sont conseillés. Le Descartes occupe une place de choix, et dans Descartes, il dit, surtout, lisez la correspondance avec Élisabeth et avec Christine de Suède, et vous verrez qu'il considérait que les femmes savaient aussi bien raisonner que les hommes. Hein. Donc, le cartésianisme de Poulain, c'est une méthode, une recherche, effectivement, en cascade, comme dans les méditations, de la manière dont on peut extirper les préjugés. Ça, c'est quand même très parallèle. Hein. Un préjugé, ça s'extirpe pas facilement. Il faut y revenir, il faut le retravailler pour en chercher vraiment la force et l'origine. Et puis ensuite, c'est une analyse psychophysiologique. Alors là, vraiment, dans la tradition de Descartes, enfin, qu'il hérite vraiment de Descartes, là aussi, par antiscolastisme, non, je viens d'inventer ce mot, Et aussi par dédain de la médecine à laquelle la scolastique est adossée, c'est-à-dire Hippocrate, Galien, des corps qui sont très sexués, de telle sorte que ça influe sur leur manière de raisonner. Alors le beau texte que vous venez de lire, c'est vraiment le point d'arrêt de cette tradition-là. L'esprit n'a point de sexe. Oui, et le corps surtout, il n'y a de distinction entre l'homme et la femme quand ce qui concerne l'organe de reproduction. Exactement. Sinon, il n'y a aucune autre différence. Exactement. Alors là, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme d'égalitarisme poussée jusqu'à son terme. C'est-à-dire que quand on examine un corps masculin et un corps féminin, ben, il n'y a que les organes génitaux qui diffèrent. C'est tout. Le reste est totalement équivalent. Alors, Poulain n'est pas médecin, mais enfin, ça l'intéresse quand même beaucoup. Et donc, il va aller du côté de ce que j'appellerais, mais ça c'est par ignorance de ma part, je ne sais pas, une proto-ethnologie. Il va aller chercher des exemples où, l'accouché, la femme qui vient d'accoucher se relève aussitôt pour aller au champ. Il évoque les phénomènes bien connus en ethnographie et ethnologie de couvade. Hein, où c'est l'homme, pendant la grossesse, qui prend le lit et qui mime la grossesse, qui mime l'accouchement, alors que juste après la délivrance, la femme est repartie au boulot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que même l'idée que le corps féminin est plus faible que le corps masculin, c'est une construction sociale. Ce n'est pas vrai. Hein. Donc, y a une étude, vraiment, du corps et du rapport entre l'âme et le corps. Et finalement, la citation de tout à l'heure, « l'esprit n'a point de sexe », c'est la plus frappante, parce qu'elle est très cartésienne, et puis elle exemplifie ce féminisme cartésien. Mais ce que dit Poulain, et ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée, et je pense qu'il a bien lu Les Passions de l'âme de Descartes, c'est que, en fait, la plupart du temps, nous pensons avec notre corps. Il est très rare que la raison seule pense. C'est hyper fatigant de raisonner simplement. On a besoin d'images, on a besoin de rapports affectifs avec les objets dont on parle, etc. Donc, en fait, la plupart du temps, même quand on est savant, on pense avec son corps. Donc, en fait, pour Poulain, la démonstration ne s'arrête pas une fois qu'on a dit oui, il y a deux substances, comme chez Descartes, et donc la substance étendue n'influe pas sur la substance pensante. Le fameux dualisme cartésien, même si l'expression n'est pas de Descartes. Non, il faut reprendre l'enquête en disant, bon, ça c'est bien beau, donc les femmes sont égales aux hommes quand elles raisonnent. Mais de fait, on raisonne quasiment jamais. Alors, quand on utilise l'imagination, la sensation pour penser, c'est-à-dire dans la plupart de nos modes de pensée, on utilise la sensation et l'imagination. Alors là, est-ce que le corps féminin est différent? Si le corps féminin est différent du masculin, ça va influer. Et donc, on va penser de manière sexuée. Donc, on comprend maintenant son égalitarisme. Mmh. C'est très important qu'en gros, il y ait deux, trois petits organes seulement qui diffèrent. Parce que le corps ne doit pas influer sur notre manière asexuée de penser. Alors, égalitarisme ou universalisme? Parce qu'en réalité, son combat est-il l'égalité entre les hommes et les femmes ou la reconnaissance universelle de ce bon sens cartésien ou même de cet formidable outil qu'est la raison et qui fonctionne de la même manière chez tout le monde? Alors, je pense que les deux thèses peuvent se soutenir, mais l'important, c'est de considérer tous les cas de figure intellectuels possibles quand on est un être humain. Et de voir dans tous les cas de figure si effectivement on pense, enlevons le mot raison au contraire, est-ce qu'on pense tous de la même manière? Alors concrètement, évidemment, on ne pense pas tous de la même manière. Il y a des gens plus intelligents que d'autres, très certainement. Mais ça, c'est, il n'y a rien dans le fonctionnement de l'esprit ou du corps qui détermine que les femmes soient moins intelligentes que les hommes. Hein, ça c'est au cas par cas, évidemment tout le monde n'a pas les mêmes accomplissements intellectuels, mais ça c'est lié à l'éducation et puis à la méthode qu'on suit, tout simplement comme chez Descartes. En revanche, c'est toute cette étude des corps faite par Poulain, elle permet de se débarrasser d'un coup et assez spectaculairement de toute la médecine humorale quand même. C'est quand même le modèle médical dominant jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, en 1673, il y a un gars qui dit « Mais en fait, tout ça, c'est n'importe quoi. » D'autant plus que c'est incohérent. La fameuse femme molle et froide de la médecine humorale, et en même temps... Humorale, ça vient des humeurs. Hein. Les humeurs. Les quatre humeurs liées aux quatre éléments. Donc ça permettait de différencier les corps. Et dans cette différenciation des corps, évidemment, la différence entre les sexes était très importante. Donc l'homme était plutôt sec et chaud, et la femme froide et humide. Poulain, il dit, mais C'est complètement incohérent, puisque d'une part, on va dire que la femme est molle. Alors la mollesse, bah, ça pousse à la paresse, à l'inaction. Et en même temps, on va dire que les femmes sont colériques, hystériques. Il faudrait savoir. On dit que la femme est froide. Mais comment voulez-vous qu'un animal porte en son sein un autre animal s'il est froid? Il faut de la chaleur pour la gestation, forcément. Donc la femme ne peut pas être froide, au contraire. Donc vous voyez, il y a une vraie physiologie, même s'il n'est pas médecin, qui est une physiologie, je dirais, de bon sens, qui montre l'inanité de cette médecine humorale. Il faut tout repenser. Et donc, j'ai un peu esquivé votre question, parce que je ne sais pas trop comment y répondre. Je pense que l'important pour lui, c'est l'égalité. Hein, la notion d'universel n'existe pas chez lui. Mais finalement, c'est quand même la même démarche. Et encore un point sur ce texte dont j'ai lu un extrait. Je parlais du terme de consentement. Il est important de préciser que quand il l'emploie, c'est à propos de l'esprit qui consent au corps. Bien sûr, ce n'est pas les problématiques de consentement telles qu'on les évoque aujourd'hui liées au harcèlement, notamment aux questions sexuelles, mais ici, il dit bien, comme le corps ne se distingue entre l'homme et la femme que par la production, donc l'appareil de reproduction, et l'esprit ne faisant qu'y prêter son consentement, le faisant en tous de la même manière, on peut conclure qu'il n'a point de sexe. Cette idée de l'esprit qui consent au corps a quelque chose aussi de très surprenant, parce qu'on associe la philosophie à l'exercice de l'esprit et non pas du corps. Absolument. C'est une philosophie du corps, Poulain, également. C'est-à-dire que le corps est bon, le corps n'est pas mauvais, les désirs du corps sont bons. Et il n'y a aucune raison d'être dégoûté par son corps. Tout ça est admirablement mis en place par la nature. Et on peut tenir un discours neutre et scientifique sur le corps. Alors pourquoi est-ce que les états de notre corps sont jugés différemment selon qu'on est un homme ou une femme? Il donne un exemple tout bête, l'ivresse. Pourquoi une femme ivre, c'est plus choquant qu'un homme ivre? C'est le même état corporel dans les deux cas. Eh bien, ce sont les préjugés de la coutume. Pourquoi une femme doit être tempérante? Pourquoi une femme doit être fidèle, doit avoir un comportement pudique qu'on ne demande pas à l'homme? J'aime beaucoup ce que dit Poulain sur la pudeur, comme quelque chose qui n'est absolument pas naturellement féminin, contrairement à ce que disent beaucoup de traités à l'époque, et quelque chose qui n'a pas à être entretenu. En fait, la pudeur, c'est une forme d'oppression aussi. C'est quelque chose qui est absolument pas naturel aux femmes, ni aux hommes d'ailleurs. Non pas qu'il faille être impudique, mais si vous voulez, on a une manière de juger le même état du corps différente selon que c'est un corps féminin ou un corps masculin qui est absolument pas légitime. Donc l'ivresse, la pudeur, il y a tout un passage aussi sur justement la question de l'infidélité. Pourquoi on pardonne beaucoup moins aux femmes leurs infidélités. Et puis là aussi, il dit, comme d'habitude, dans les traités de morale sur les femmes, on a les deux extrêmes qui sont complètement contradictoires l'un avec l'autre. C'est-à-dire que, en même temps, la femme est pudique, se refuse aux hommes, et on lui reproche de se refuser aux hommes, et puis si elle se livre aux hommes, on lui reproche aussi. Alors, il faudrait savoir. Il dit tout cela. Oui. Mmh. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, il faut que vous compreniez que tout ça est social. C'est-à-dire que quand une femme se refuse à un homme, si ça se trouve, elle a très envie, en fait, de se donner à lui, mais c'est par convention sociale. Et il dit, la plupart du temps, quand une femme cède à un homme, c'est aussi par convention sociale et pas du tout par plaisir, par désir. C'est-à-dire que, en fait, il l'importune tellement qu'elle cède. Mais donc, vous voyez que les rapports entre les hommes et les femmes sont totalement biaisé par la coutume et par justement des choses différenciées sexuellement qu'on demande au corps, alors que tous les corps ont les mêmes désirs, les mêmes attractions. Et le principe d'attraction, le principe d'union chez Poulain est très large, et il commence par l'union de l'âme et du corps. Ce sont deux entités différentes, on l'a dit tout à l'heure, deux substances différentes, mais qui sont faites pour collaborer l'une avec l'autre, qui s'entendent bien naturellement, sans ce poids de la coutume qui les disjoint. Mais Marie-Frédérique Pellegrin, où est François Poulain de la Barre aujourd'hui? Parce qu'avec tout ce que vous dites, alors c'est même pas d'une modernité, c'est qu'il aurait quelque chose à dire, à nous dire aujourd'hui. Il permet de trancher bien des débats, d'apporter des arguments. Or, il n'est pas étudié, quasiment pas lu. Grâce à vous, heureusement, les textes sont disponibles. Mais sinon, il est quasiment absent de la scène philosophique et même culturelle aujourd'hui en France. En France. Vous avez ajouté ça et vous avez eu raison. Parce que nos collègues anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils connaissent Poulain de la Barre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Poulain de la Barre, d'abord, en France, du point de vue de sa postérité immédiate, il n'y a rien. Hein? Alors, on essaye de retracer. Il y a une petite notule de Montesquieu. On se dit que Rousseau l'a peut-être lu dans la bibliothèque de machin truc quand il était jeune. Après, quand on lit ce qu'il dit de Sophie dans l'Émile, on se dit ben, il n'a pas dû en retenir grand-chose. Et la première postérité réelle de Poulain, qui est vraiment traçable et bien étudiée par plusieurs collègues, notamment anglicistes, elle est anglaise. Les grandes féministes anglaises du début du XVIIIe, elles ont lu Poulain. Il y a beaucoup de traités aussi qui reprennent Poulain de manière anonyme. Ça, c'est le premier pas. Et du coup, comme ça a été traduit en anglais et exploité en Angleterre, je pense que naturellement, vous voyez, on comprend pourquoi plus tard, au XXe siècle, ça a été exploité un petit peu par les gender studies. C'est pas massif, mais en tout cas, il n'est pas inconnu. Moi, je dis, Simone de Beauvoir a quand même fait le boulot. Donc on peut pas, si on ne le connaît pas, on a quand même eu un relais extraordinaire pour nous le signaler. Alors, la question est de savoir dans quelle mesure Poulain de la Barre serait le premier philosophe féministe. Et pour essayer de répondre à cette question, avant d'entendre votre réponse, je vous propose qu'on écoute un extrait qui nous renseigne sur une des modalités, peut-être, d'appréhension de ce problème, non pas dans la philosophie, mais dans le théâtre, puisque voici un extrait des Femmes savantes de Molière, donc un an avant la publication du premier traité de Poulain, on est en 1672, et vous allez entendre ici le personnage d'Armande faire l'éloge de la philosophie. Elle répond à Henriette. Henriette qui fait l'éloge, elle, du mariage d'amour, du mariage selon le désir, la passion et du mariage avec un homme. Armande lui rit au nez en disant que le seul mariage qui soit véritablement digne de ce nom et qui puisse peut-être faire du bien à la femme qu'elle est, c'est celui avec la philosophie. Écoutez donc la réponse d'Armande. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas. Que vous jouez au monde un petit personnage de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole dépouillé, des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs et traitant de mépris les sens et la matière. À l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entier. Vous avez notre mère, en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave, asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier et aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. La position que tient Molière ici à travers la bouche d'Armande est représentative d'une partie de la société à l'époque. Certaines femmes peuvent devenir savantes, et même le titre de femme savante, on ne le trouve pas dans le traité de l'éducation des dames de Poulain de la Barre, mais c'est tout comme, tellement il insiste sur la dimension de savante qui devrait être accessible à toutes les femmes. Dans quelle mesure est-ce que ce que dit Poulain de la Barre dans son texte est novateur, ou est-ce qu'il reprend ici la même position qui est exprimée notamment par Molière et par d'autres à l'époque, Marie-Frédérique Pellegrin? On s'est demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas une part de réaction à cette pièce dans le choix d'écrire le premier traité. On n'a pas d'indice, mais c'est vrai que la concordance temporelle et puis cette problématique commune incline à penser qu'il y a peut-être un lien. En fait, c'est vrai que la femme savante, c'est vraiment une catégorie du XVIIe siècle que a évidemment bien explicité Molière, tout en la caricaturant. Et elle a un destin assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu tout au long du XVIIe siècle, on va vers la moquerie, En partie grâce ou à cause de Molière, mais cette catégorie des femmes savantes, elle a aussi un aspect positif. Alors que pense Poulain de cette catégorie ? Alors le problème des femmes savantes, c'est que il est évidemment pour la science pour les femmes et pour qu'il y ait de plus en plus de savantes. En fait, dans la littérature philogyne, en général, on aime bien faire des listes. Des listes de femmes remarquables. Alors, ça peut être des femmes héroïques, toutes les héroïnes bibliques, ça peut être des femmes guerrières, ça peut être... Et donc, parmi les listes de femmes qu'on peut faire, il y a aussi les listes de femmes savantes. Hein. Le problème des femmes savantes, c'est qu'elles doivent être extraordinaires pour rentrer dans la liste. Hein, il faut vraiment des accomplissements. Et donc ça rebute Poulain. C'est-à-dire que pour lui, le savoir, encore une fois, est un bien commun. Il n'y a pas besoin d'être Einstein au féminin pour pouvoir avoir le nom de savante. Donc, il a un rapport ambigu à la notion même de femme savante parce que elle lui paraît mettre en valeur uniquement des esprits exceptionnels, alors que lui, son but, c'est de montrer que tout le monde peut penser, tout le monde a un droit à la pensée. Après, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais il a un droit à la pensée, y compris les femmes. Donc, dire qu'il faut aller à l'école des dames, s'il y a une école des dames, c'est bien qu'il y a une science qui peut être dispensée par les femmes. Mais c'est vrai que le modèle de la femme savante a été tellement malmené par l'humour de Molière qu'il devient délicat à manier. Et la seconde chose que je voudrais ajouter, c'est que vous avez, dans l'extrait, j'adore ce passage que vous avez choisi, se marier à la philosophie. Donc ça, c'est un grand problème pour les femmes qui veulent connaître un peu quelque chose à cette époque. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une alternative. C'est ça. C'est vraiment une alternative. Soit on se marie et on fait des marmots et on fait la poule au pot, soit on est dans son cabinet avec ses livres et ses maps mondes. Donc ça, cette alternative, c'est quand même difficile si on y réfléchit à chacun d'entre nous. Donc l'idée de Poulain, c'est que c'est pas du tout, ça doit pas être une alternative. C'est-à-dire que la femme savante décriée qui a délaissé la quenouille et qui se marie à la philosophie, ça c'est un modèle qui est inhumain. L'amour, c'est important. Faire des enfants, c'est quelque chose de qui peut être tout à fait épanouissant. Il le dit. Hein. Donc en fait, il faut changer le contrat de mariage. Il faut changer le contrat qu'on passe avec un homme quand on se marie. Hein. Alors là, Poulain n'est plus cartésien, mais il a bien lu les théoriciens du droit naturel et il explique qu'est-ce que c'est qu'un contrat. Un contrat, il faut que les contractants soient libres. S'engagent librement, ils aient toutes les clauses du contrat qui soient explicites avant de le signer, et dans le contrat de mariage de l'époque, ben non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'égalité entre les contractants, il n'y a pas de réciprocité, et donc la femme est dupe dans ce contrat. Donc, dit-il, il faut réformer le droit du mariage, parce que les femmes, elles ont envie de se marier et d'avoir des enfants, mais elles ont aussi envie d'avoir leur bouquin et de lire tranquillement. Alors je vous pose la question, premier philosophe féministe ou non ? Parce que d'autres avant lui ont écrit sur le mariage, que ce soit Milton, Erasme également. Alors, est-ce que c'est le premier à théoriser son féminisme, à l'exprimer ainsi ou pas ? Alors, évidemment, de toute façon, la meilleure façon de m'en tirer face à cette question massive, c'est de dire que voilà, le féminisme, c'est un terme qui n'existe pas à cette époque, de toute façon. Hein. Oui, il vient après, et de manière ironique, Alexandre Dumas qui l'emploie pour dénoncer ceux qui sont les amis des femmes, voilà. Dit-il, il y a ces féministes. Moi, cet argument, c'est pour ça que je disais, ce serait un faux semblant de me dérober de cette manière, parce que moi, je pense que les catégories, on peut les utiliser, même si elles sont anachroniques, si elles nous aident à penser une époque, il y a pas de problème du moment qu'on sait qu'elles sont anachroniques. Alors, moi, je dirais qu'il faut distinguer vraiment entre féminisme et justement ce que j'ai appelé phylogynie. C'est un néologisme, mais enfin, il est assez parlant puisque c'est le contraire de misogynie. C'est-à-dire que l'intérêt de Poulain, je pense pas qu'il est le premier, je pense que de toute façon, ça n'existe pas la notion de premier. Chaque fois qu'on dit que quelqu'un est premier à un domaine, on trouve toujours un gars qui, avant lui, en fait, avait déjà trouvé la recette de la tarte Tatin, et c'était pas Madame Tatin. Mais c'était des sœurs. Voilà, bon. Donc, il n'y a jamais de premier dans quelque domaine que ce soit, mais en tout cas, il y a une vraie nouveauté avec Poulain qui, à mon sens, est double. C'est d'une part le schème égalitaire, et d'autre part, la philosophie. Je fais une petite comparaison rapide, si vous le voulez bien. Avant Poulain, au début du XVIIe siècle, il y a Marie de Gournay a écrit un traité sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, Peut-être que c'est elle la première, parce qu'elle est la première à vraiment mettre en avant le schème de l'égalité. Avant, ce que j'appelle phylogénie, ce sont des traités de louanges des femmes, alors parfois avec des arguments très savants, hein, attention, hein, mais où le schème est inégalitaire. C'est-à-dire que quand vous êtes phylogine, que vous soyez savant, philosophe ou poète, vous louez la supériorité des femmes. D'accord ? C'est complètement différent. Elles sont plus ceci que les hommes. C'est un discours donc qui est fondé sur le paradoxe, sur le renversement, comme on les aime dans ce type de rhétorique-là. Marie de Gournay arrive et elle dit « Mais en fait, nous, on veut pas être plus que les hommes, plus belles, plus délicates, plus ceci, plus cela. On veut juste qu'ils nous traitent comme des égales et qu'on puisse, encore une fois, écrire nos livres, nous aussi, et les publier, nous aussi, sans que tout le monde ricane. » Donc, égalité. Et c'est dans le titre de l'ouvrage de Marie de Gournay. Mais elle reprend beaucoup d'arguments de Bric et de Broc. Hein. Et l'intérêt de Poulain, c'est que lui, il a un soubassement philosophique qui structure son programme, et que c'est un vrai programme. Marie de Gournay, justement parce que c'est une femme, elle a des choses à dire. Hein. Ça a été tellement difficile pour elle d'être une femme intellectuelle indépendante qu'il y a aussi un aspect manifeste, défense de soi, etc., qui n'est pas le cas de Poulain. Donc lui, étant plus décentré, ayant plus de recul, il va pouvoir produire quelque chose de plus général et de plus théorique. C'est pas du tout pour minorer Gournay. Je trouve ça extraordinaire et pour moi, c'est une vraie philosophe. Mais si vous voulez, effectivement, le décentrement, le problème de est-ce qu'on parle en tant qu'homme ou en tant que femme, je le trouve plus chez Poulain que chez Gournay. Et donc, l'égalité, le schème égalitaire, il acquiert toute sa signification avec Poulain. Et en ce sens, il inaugure un des deux grands courants du féminisme, c'est-à-dire le féminisme égalitaire. On trouve une dernière chose, enfin on trouve encore beaucoup d'autres choses, mais avec vous Marie-Frédérique Pellegrin, on va en envisager une dernière avant la fin de cette émission, qui est un éloge, je ne sais pas, une célébration, en tout cas l'insistance, il tient à affirmer que les femmes sont sans doute les égales des hommes, peuvent être savantes, mais elles peuvent aussi être guerrières. Et on trouve un chapitre, elles peuvent être générales d'armée, dans lequel il dit « Pour moi, je ne serais pas plus surpris de voir une femme le casque en tête que de lui voir une couronne, présider dans un conseil de guerre comme dans celui d'un État, exercer elle-même ses soldats, ranger une armée en bataille, la partager en plusieurs corps comme elle se divertirait à le voir faire. L'art militaire n'a rien par-dessus les autres dont les femmes sont capables, sinon qu'il est plus rude et qu'il fait plus de bruit et plus de mal. Et à la fin, il dit bien « Une femme peut tout cela et inventer des stratagèmes pour surprendre l'ennemi. » Pourquoi ce souci chez lui, d'insister sur la possibilité d'une femme guerrière? Alors, je pense que c'est dans un propos général sur le passage au social. Là, pour l'instant, on a théorisé sur l'égalité. Mais le but de Poulain, c'est une société égalitaire où les femmes puissent accéder à tous les métiers. Donc, il fait une liste, profession par profession, où à chaque fois, il dit « Mais les femmes aussi, mais les femmes aussi peuvent le faire, mais les femmes aussi peuvent le faire. » Ça va jusqu'à pape, hein. Ça explique peut-être que après il se soit réfugié à Genève et que il ait changé de religion. C'est après la révocation parce qu'il était prêtre, on l'a pas dit. Il était prêtre parce qu'il faut bien gagner sa vie, mais ça lui a pas plu du tout. Et ça après la révocation de l'édit de Nantes, et il après, est parti en Suisse. Et après, il a fui à Genève. Donc la femme guerrière. Alors ça. Ça, c'est une figure traditionnelle, la femme guerrière, hein, de ces portraits de femmes héroïques dès la Bible. Mais la femme guerrière chez Poulain, c'est la générale d'armée ici et maintenant. Hein, c'est pas une figure à demi mythologique. Hein, c'est-à-dire que toutes les professions doivent être ouvertes à tous. On l'a pas dit, mais le but. La défense de l'égalité des sexes a un but plus général, qui est le passage à un tout autre type de société, c'est-à-dire une société du mérite. Du mérite. Et pour que les gens les plus méritants aient les places qu'ils méritent, eh bien, il faut que les femmes soient capables d'accéder à toutes les professions. Donc, la femme guerrière, si vous voulez, je pense que c'est un thème assez topique. C'est un thème qui a été revivifié par des événements historiques récents, la Fronde, hein, la place des femmes dans tout un tas de rébellions récentes à l'époque où Poulain écrit. Mais en fait, pour lui, c'est un discours social général, c'est-à-dire que tous les gens utiles, on doit les utiliser au bon endroit. Et dans l'extrait que vous avez lu, ça affleurait, mais je trouve ça assez, c'est assez mignon. Il prend tous les arts dits féminins et il les transpose à de vrais métiers, en disant mais il faut pas plus d'habileté pour tisser, filer, etc., que pour lire une carte quand on est général d'armée. Enfin, vous voyez, tous les travaux féminins traditionnels sont transposés à des métiers masculins en disant mais vous voyez bien que les femmes sont capables de faire ceci et elles pourraient le faire. Alors par exemple les intrigues, les femmes ont dit qu'elles sont intrigantes, elles s'embêtent toute la journée, hein, donc elles font des tas d'intrigues elles lancent des rumeurs, etc. Mais ça, pour diriger une armée, c'est exactement ça, diriger une armée, un stratagème, une stratégie militaire, c'est ça. C'est des voies de contournement, je trouve que là, il y a un passage au social qui est quand même assez significatif, parce que au début du traité, il dit je ne parlerai pas de politique et de religion, et vous comprenez bien pourquoi. Mais en fait, tout le temps, il en parle, tout le temps. Hein. Les gens méritants, c'est pas ceux qui sont en première vue, et il y a notamment une critique de la noblesse hein, qui affleure à plusieurs reprises dans ces traités. Ce sont des gens totalement inutiles. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Alors que le paysan, c'est grâce à lui qu'on mange. Merci beaucoup Marie-Frédérique Pellegrin d'être venue nous parler de Poulain de la Barre aujourd'hui. Alors je renvoie à l'ouvrage que vous lui avez consacré, Poulain de la Barre, Égalité, Modernité, Radicalité, aux éditions Vrin. Et toujours aux éditions Vrin, on trouve une édition des textes de Poulain de la Barre dont il a été question aujourd'hui. Vous avez proposé cette édition avec une introduction et des notes de l'égalité des deux sexes, de l'éducation des dames et de l'excellence des hommes. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi quand même le troisième texte dont il est question. On se quitte avec une femme guerrière. Les femmes ont une poitrine et parfois sous la poitrine se trouve une grenade. C'est Clara Luciani. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Donc merci à vous, je le disais, Marie-Frédérique Pellegrin, et merci au public lillois qui est venu assister à cette rencontre. Peut-être sous l'essence des grenades, on n'a fouillé personne à l'entrée, mais merci d'être resté, vous pouvez la remercier. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, cette chronique adoptera un format spécial, puisqu'elle est en deux épisodes. Un aujourd'hui, un demain. Ce dédoublement est bien normal, puisque nous parlons, aujourd'hui et demain donc, d'un double album de rock. Deux galettes de vinyle sorties il y a 50 ans tout juste. Le célèbre White Album, ou double album blanc, des Beatles. Nous le disions dans une précédente chronique, notre époque aime les commémorations. Et la fin de la décennie 2010 correspond aux 50 ans de la fin des années 1960, une des décennies les plus créatives de l'histoire humaine. Cette année, nous avons donc fêté les 50 ans de mai 68. Mais plus important encore, ce furent aussi les 50 ans de l'un des plus grands films de tous les temps, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick. Un an auparavant, en 2017, nous célébrions les 50 ans de ce qui est sans doute le plus grand album de musique pop de tous les temps, Sgt. Pepper, des mêmes Beatles. L'an prochain, c'est Portnoy et son complexe de Philip Roth qui aura 50 ans. Entre parenthèses, signalons que les Beatles et Stanley Kubrick ont, à un moment de cette même décennie 1960, envisagé de faire un film ensemble, et pas n'importe quel film, puisqu'il se serait agi de la première adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Paul aurait joué Frodon et John Gollum. Mais fermons ici cette parenthèse. Pourquoi faut-il alors fêter l'anniversaire de ce White Album? L'occasion nous en est donnée par les Beatles et leurs ayants droit, qui publient cette semaine une édition de luxe de The Beatles, puisque tel est le nom officiel de cet album, que tout le monde appelle l'album blanc. Qu'y a-t-il dans cette réédition ? Il y a tout d'abord les 30 chansons originales, qui bénéficient d'un nouveau mixage sonore supervisé par Giles Martin, le fils du mythique producteur George Martin, qui permet de mieux entendre chaque instrument. Mais il y a également 27 chansons provenant des Isher Demos, c'est-à-dire des versions de travail informelles, enregistrées dans la maison de George Harrison, et 50 enregistrements alternatifs des chansons de l'album. Ce sont donc pas moins de 107 chansons qui composent cette réédition de luxe, parmi lesquelles certaines n'ont pas été retenues dans la version finale, et que nous retrouvons bien plus tard dans les disques solos des anciens Beatles. L'une des curiosités de cette réédition est ainsi Child of Nature de John Lennon, qui n'est autre que le futur Jealous Guy. Mais le véritable plaisir de l'album est qu'il nous donne l'impression d'assister en personne aux séances d'enregistrement, d'entendre l'immense travail préparatoire, la fantaisie, les plaisanteries et l'entente, nous y reviendrons, de ces jeunes gens qui ont entre 25 et 28 ans. Ainsi, une des pistes est une version acoustique de While My Guitar Gently Weeps, et elle s'interrompt très rapidement car les Beatles discutent entre eux. Sleeping while my guitar gently weeps. Yeah, maybe you would have to give him his own mic. Après ces longues heures passées avec les Beatles, dans les studios d'Abbey Road ou chez eux, nous pouvons refaire le point sur l'album. Écrit principalement dans un ashram en Inde au début de l'année 1968, il délaisse quelque peu le son expérimental et psychédélique qui était celui de Sgt. Pepper et revient à un son plus simple, plus brut. Mais surtout, il est, pour le meilleur et pour le pire, celui où chacun des Beatles se singularise et où le groupe part dans tous les sens. McCartney montre sa plasticité en allant des ballades comme le sublime Blackbird à l'invention du hard rock avec Helter Skelter. Lennon creuse sa voix de poète introspectif et rock, et Harrison émerge enfin et produit un véritable chef-d'œuvre. Mais cette force, pleinement atteinte en 1968, se mue peu à peu en faiblesse, puisque l'album marque aussi le début de la mésentente. En réalité, pendant 10 ans, une grande partie du génie des Beatles a été de bien s'entendre, ce qui est très rare dans l'histoire de l'art, les grands créateurs préférant travailler seuls. Mais n'avons-nous pas été un peu ridicules à l'instant en faisant l'éloge d'un album de pop musique ? Le rôle du philosophe ne consiste-t-il pas à se méfier de la culture de masse, instrument du capitalisme et de la déshumanisation de l'homme, et à ne pas adorer ce que l'époque adore, ou plutôt ce que l'époque de nos parents a adoré ? L'épineuse question des rapports entre la culture de masse et la haute culture, c'est cela que nous aborderons demain dans la deuxième moitié de cette double chronique blanche. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Lise Combe à la réalisation et cette semaine d'Anna Schmuck. À la technique et prise de son, c'était Christian Lahondès, Mathieu Leroy du côté de Radio France, Stéphane Demort et Jean Fromentin du côté de Lille. Merci également à toute l'équipe de production, Francesca Fossati, Virginie Noël du côté de France Culture, Gilbert Glassman, Myriam Pleine-Maison, entre autres du côté de Cité Philo, ainsi que, je ne l'ai pas assez remercié cette semaine, Véronique Châtenay-Dolto, à qui l'on doit le choix des intervenants pour cette session. Un grand merci donc. Merci aux libraires qui mettent en vente chaque jour, après chaque rencontre, les livres des invités, ça vous concerne aujourd'hui d'ailleurs. Chers auditeurs, on se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi, qui vous propose chaque semaine des grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie, qui en ont fait leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Alexandre Jolien. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes celles enregistrées à Cité Philo, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture. Vous pourrez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.